foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, yo. Négro, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, yo. Sourcils, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, yo. Vêtements, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, bitch. J'suis tout niqué avec mon squad zère. J'suis dans ma high life en quad zère. Dans mon crâne, on est trois zères. J'suis dans sa poussière en croisière. J'suis des foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, yo. J'suis des foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, yo. J'rappe au DMC, pétasse dans le Airbnb. Elle fait la meuf, genre TLC. Mais les négros shine comme DMC. Au bord de la crise, d'épilepsie. Que des futilités, que des inepties. Ça bouge up, c'est l'inertie. J'te mets yam, tu me dis merci. Wesh, mon pote, on est pas de mèche, mon pote. J't'ai pas connu quand j'étais en dèche, mon pote. Ah oui, des sèches, mon pote. En roulant en flèche, mon pote. Le collant, j'lèche. J'fume, j'suis def, mon pote. Bref, j'enlève ses collants. Henri, volant. J'tire ses cheveux comme j'tiens le volant. Ouais, j'suis violent. Wesh, mon pote. Tout niqué, c'est obligatoire. Ici, rien d'aléatoire. J'connais bien laboratoire. J'suis pas un rat de laboratoire. Donc, sur ma E que tu vas t'asseoir. Tous ces mecs font les anciens. Tout le monde sait qui est ancien. Je ne fais qu'avancer sans frein. Et des règles, on les enfreint. Tout niqué, je suis en train. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Négro, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Sourcils, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Vêtements, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, bitch. J'suis tout niqué avec mon squad zère. J'suis dans ma high life en quad zère. Dans mon crâne, on est trois zères. J'suis dans sa poussière en croisière. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Moitié de joint ou couché, yo. J'fumerai le resto, réveil, yo. J'commence bien la journée, yo. Comme j'ai fini la veille, yo. Le jour se lève en même temps que ma dick. Un peu d'argent, un peu d'herbe magique. Tout ce qu'il nous faut, à moi et ma clique. C'est la bonne équation mathématique. Roule-moi un strip, bitch. Fais-moi un strip, bitch. Wow. Roule-moi un strip, bitch. Fais-moi un strip, bitch. Wow. Vas-y, roule la White Widow. Rentre dans la pièce, ferme la window. J'suis défoncé tout le week-end. J'm'en fous qu'on prenne pour un weirdo. Car j'rappe, rappe comme un headshot. Regarde ma paire, elle est dead stock. J'fume, fume comme un rasta. J'écris des faces tirées par les dreadlocks. J'suis trop de flow, j'crée des tsunamis. J'suis trop de flow, j'fais des tsunamis. J'fonce des vu tout ce qu'on a mis. Me parle pas, j'suis pas ton ami. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Négro, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Sourcils, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. Vêtements, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, bitch. J'suis tout niqué avec mon squad zère. J'suis dans ma high life en quad zère. Dans mon crâne, on est trois zères. J'suis dans sa poussière en croisière. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo. J'suis des foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, foncé, yo.